Qu'est-ce que la respiration profonde et comment la pratiquer? Premièrement, introduction à la respiration profonde. La respiration profonde est une technique puissante qui peut avoir un impact profond sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. Cela implique de prendre des respirations lentes et profondes en se concentrant sur l'expansion et la contraction complète du diaphragme. La respiration profonde est pratiquée depuis des siècles dans diverses cultures et est connue pour sa capacité à provoquer la relaxation, à réduire le stress et à favoriser une sensation de calme. Dans cet article, nous explorons ce qu'est la respiration profonde, approfondirons ses nombreux bienfaits, comprendrons ses effets physiologiques sur notre corps, apprendrons diverses techniques pour la pratiquer efficacement, découvrirons comment l'intégrer dans notre routine quotidienne et mettrons en évidence quelques points communs et erreurs à éviter. Alors, plongeons-nous et libérons le pouvoir transformateur de la respiration profonde. Qu'est-ce que la respiration profonde ? La respiration profonde ne consiste pas seulement à inspirer, à expirer, c'est une façon délibérée et consciente de prendre des respirations profondes qui dilatent complètement vos poumons. Cela implique de prendre des respirations lentes et profondes à partir de votre diaphragme, permettant à votre ventre de monter et de descendre à chaque respiration. Importance de la respiration profonde. La respiration profonde est essentielle pour maintenir une santé et un bien-être optimaux. Il aide à augmenter le flux d'oxygène dans le corps, à améliorer la capacité pulmonaire et à stimuler la réponse de relaxation. En pratiquant régulièrement la respiration profonde, vous pouvez réduire le stress, améliorer votre concentration et favoriser un sentiment de calme dans votre vie quotidienne. 2. Avantages de la respiration profonde. Avantages physiques de la respiration profonde. En plus d'améliorer la fonction pulmonaire, la respiration profonde présente de nombreux avantages physiques. Elle peut abaisser la tension artérielle, améliorer la digestion, renforcer le système immunitaire et améliorer la santé cardiovasculaire globale. De plus, la respiration profonde peut augmenter les niveaux d'énergie, améliorer la qualité du sommeil et favoriser une meilleure posture. Avantages mentaux et émotionnels de la respiration profonde. La respiration profonde n'est pas seulement bonne pour le corps, c'est également bénéfique pour l'esprit et les émotions. Il aide à calmer les pensées qui s'emballent, à réduire l'anxiété et à atténuer les symptômes de la dépression. La respiration profonde peut améliorer la clarté mentale, améliorer la concentration et favoriser un état d'esprit positif. C'est un outil simple, mais puissant pour gérer le bien-être émotionnel. Soulagement du stress et relaxation. L'un des avantages les plus importants de la respiration profonde est sa capacité à réduire les niveaux de stress et à provoquer une relaxation. La respiration profonde active la réponse de relaxation du corps qui contrecarre les effets des hormones de stress. En intégrant des exercices de respiration profonde à votre routine, vous pouvez ressentir une plus grande sensation de calme, une diminution de la tension musculaire et une meilleure relaxation globale. 3. Comprendre la physiologie de la respiration profonde. Le rôle de la respiration diaphragmatique. Lors de la pratique de la respiration profonde, le diaphragme, un muscle en forme de dôme situé sous les poumons, joue un rôle essentiel. La respiration diaphragmatique, également connue sous le nom de respiration abdominale, permet au diaphragme de se contracter et de descendre, créant ainsi plus d'espace pour que les poumons se dilatent complètement. Ce type de respiration active la réponse de relaxation et favorise un échange plus efficace d'oxygène et de dioxyde de carbone. Effet sur le système nerveux autonome. La respiration profonde peut influencer positivement le système nerveux autonome qui contrôle les fonctions corporelles involontaires. En respirant profondément, vous pouvez passer du système nerveux sympathique, responsable de la réponse du corps au stress, au système nerveux parasympathique, connu sous le nom d'état de repos et digestion. Ce changement favorise la relaxation, réduit la fréquence cardiaque et la tension artérielle et améliore le bien-être général. 4. Techniques pour pratiquer la respiration profonde. Technique de respiration abdominale. La technique de respiration abdominale est une manière simple et efficace de pratiquer la respiration profonde. Commencez par vous asseoir ou vous allonger dans une position confortable. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre. Inspirez profondément par le nez, permettant à votre ventre de se soulever pendant que vous remplissez vos poumons d'air. Expirez lentement par la bouche en sentant votre ventre retomber vers votre colonne vertébrale. Répétez ce processus pendant quelques minutes en vous concentrant sur la sensation de votre respiration et le mouvement de votre ventre. Technique de respiration 478. La technique de respiration 478 est une méthode populaire pour favoriser la relaxation et réduire l'anxiété. Commencez par expirer complètement par la bouche. Fermez la bouche et inspirez doucement par le nez jusqu'à compter mentalement jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Ensuite, expirez complètement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répétez ce cycle 3 fois de plus, en vous permettant de vous sentir plus détendu à chaque respiration. Technique de respiration en boîte. La technique de respiration en boîte consiste à égaliser la durée de votre inspiration, une pause après l'inspiration, une expiration et une pause après l'expiration. Commencez par inspirer profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 4. Enfin, retenez à nouveau votre souffle en comptant jusqu'à 4. Répétez ce schéma pendant plusieurs tours, en vous concentrant sur le rythme et la sensation de votre respiration. N'oubliez pas que pratiquer la respiration profonde est une compétence qui peut se développer au fil du temps. Expérimentez différentes techniques pour trouver celle qui vous convient le mieux et intégrer la respiration profonde à votre routine quotidienne pour un maximum d'avantages. Alors respirez profondément, détendez-vous et profitez des nombreux avantages que la respiration profonde peut apporter à votre vie. 5. Intégrer la respiration profonde à la routine quotidienne. Trouvez le bon moment et le bon endroit. La respiration profonde peut être pratiquée à tout moment et n'importe où, mais trouver un endroit calme et tranquille peut contribuer à améliorer l'expérience. Que ce soit le matin avant de commencer votre journée ou le soir pour vous détendre, choisissez le moment qui vous convient le mieux. Trouvez un endroit confortable, loin des distractions, où vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre respiration. Fixez des objectifs réalistes. Lorsque vous commencez une pratique de respiration profonde, il est important de vous fixer des objectifs réalistes. Ne vous attendez pas à une tranquillité zen instantanée. Commencez par quelques minutes de respiration profonde et augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Rappelez-vous, la cohérence est la clé. Même quelques minutes de respiration profonde, chaque jour peuvent avoir des bienfaits significatifs. Combinez la respiration profonde avec d'autres activités. Une façon d'intégrer la respiration profonde à votre routine quotidienne consiste à la combiner avec d'autres activités. Par exemple, en vous promenant dans la nature ou en pratiquant le yoga, vous pouvez vous concentrer consciemment sur votre respiration. Cela améliore non seulement les bienfaits de la respiration profonde, mais ajoute également un élément de pleine conscience à vos autres activités. 6. Erreurs courantes à éviter lors de la pratique de la respiration profonde. Respiration superficielle. Une erreur courante dans la pratique de la respiration profonde est la respiration superficielle. Cela se produit lorsque vous n'étendez pas complètement votre diaphragme et que vous prenez plutôt des respirations superficielles. Pour éviter cela, concentrez-vous consciemment sur des respirations profondes qui remplissent votre abdomen et votre poitrine. Laissez votre respiration être lente et régulière en dilatant complètement vos poumons. Surmenage et tension. Une autre erreur est le surmenage et la tension lors de la pratique de la respiration profonde. N'oubliez pas que la respiration profonde vise à détendre et à calmer votre esprit et votre corps. Si vous vous sentez tendu ou stressé, prenez du recul et ajustez votre technique. La respiration profonde doit être douce et sans effort. Manque de cohérence. La cohérence est cruciale pour profiter des bienfaits de la respiration profonde. il est préférable de pratiquer la respiration profonde pendant quelques minutes, chaque jour plutôt que de la faire plus longtemps de temps en temps. Intégrez régulièrement la respiration profonde à votre routine pour profiter pleinement de ses effets calmants et de ses bienfaits à long terme. 7. Exercice avancé de respiration profonde. Respiration narine alternative. Cette technique de respiration avancée consiste à alterner la respiration par les narines gauche et droite. On pense qu'il équilibre l'énergie de votre corps et favorise la clarté mentale. Pour pratiquer la respiration narine alternative, utilisez votre pouce pour fermer votre narine droite et inspirez par votre gauche. Ensuite, fermez votre narine gauche avec votre annulaire, relâchez votre narine droite et expirez par elle. Continuez ce schéma en alternant les narines pendant quelques minutes. Comptez la respiration. Compter la respiration est un exercice simple, mais efficace pour améliorer la concentration. Asseyez-vous confortablement et commencez à compter vos respirations. Inspirez et comptez mentalement 1. Expirez et comptez 2. Continuez jusqu'à 10, ou un nombre qui vous convient. Si vous perdez le compte ou êtes distrait, recommencez simplement à partir d'un point. Cet exercice aide à calmer l'esprit et à améliorer la pleine conscience. Respiration Kapalabhati. Kapalabhati, également connue sous le nom de respiration brillante du crâne, est une technique de respiration vigoureuse qui vise à revigorer et nettoyer le corps. Asseyez-vous en position verticale et inspirez profondément. Ensuite, expirez avec force en contractant vos muscles abdominaux, créant ainsi un mouvement de pompage. Laissez les inspirations être passives et les expirations actives en vous concentrant sur la libération forcée de la respiration. Commencez par quelques tours et augmentez progressivement la durée à mesure que vous vous sentez à l'aise. 8. Conclusion et points clés à retenir. Intégrer la respiration profonde à votre routine quotidienne peut apporter d'immenses avantages à votre bien-être physique et mental. En trouvant le bon moment et le bon endroit, en fixant des objectifs réalistes et en combinant la respiration profonde avec d'autres activités, vous pouvez en faire une partie intégrante de votre journée. Évitez les erreurs courantes telles que la respiration superficielle, le surmenage et le manque de cohérence. Si vous êtes prêt pour une pratique avancée, explorez des techniques telles que la respiration alternée par les narines, le comptage des respirations et la respiration Kapalabhati. N'oubliez pas que la respiration profonde est un voyage, alors soyez patient avec vous-même et profitez des effets calmants et rajeunissants qu'elle apporte. En conclusion, la respiration profonde est une pratique simple, mais puissante qui peut apporter de nombreux bienfaits pour notre bien-être général. En intégrant la respiration profonde à notre routine quotidienne et en la pratiquant régulièrement, nous pouvons ressentir une réduction du niveau de stress, une meilleure clarté mentale, une relaxation accrue et un plus grand sentiment de paix intérieure. N'oubliez pas de commencer par des techniques de base, comme la respiration abdominale, et d'explorer progressivement des exercices plus avancés à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Point, je le répète, évitez les erreurs courantes telles que la respiration superficielle et le manque de cohérence pour optimiser les bénéfices. Alors, respirez profondément, adoptez la pratique de la respiration profonde et libérez son potentiel pour transformer votre vie. Page 17, nous allons voir pouvoir mettre en pratique un exercice de respiration profonde. Page 17.